À l'occasion du 23e anniversaire du décès du président Kim Il-sung, l'Association pour la promotion des relations Autriche-République populaire démocratique de Corée a présenté dans son homepage Internet l'œuvre classique du président Kim Il-sung sur les trois principes de la réunification de la patrie avec son portrait en sourire.